LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Bar, barbu, Saint-Pierre, Lot. Est-ce que vous savez reconnaître, vous, si le poisson est frais? Ah oui, oui, bien sûr. L'œil brillant, notamment les bars, entre le bar de ligne, le bar de chalut, le bar d'élevage, il y a une nette différence de couleur. On a de la coquille normande, on a des huîtres de fines d'éclair. Bon, après, on peut se tromper, hein, parce qu'il y a des procédés aussi pour tromper le consommateur. Ah ben, utiliser de l'ammoniac, ça se faisait à une époque, ça permet de donner du brillant au poisson et puis un petit coup de frais, mais avec une odeur quand même caractéristique du cuisson. Pour Vicky Hingercher, Cromarty Force 40, Stein, Dogger et Fischer, avis de grand frais 7 à coup de vent 8 d'Est en cours. Ce soir, il y a beaucoup de diversité avec une belle météo, donc on aura de la dorade grise, de la dorade marbrée, on a du lieu jaune. Puis sud-est, demain, la mer sera peu agitée. Du poisson de tout le littoral français, de l'Atlantique, de la Manche et de la Méditerranée. Une ville, c'est un rassemblement, faut pas l'oublier, de consommateurs qui sont pas nécessairement des producteurs. 15 secondes. Fischer et German vont de sud-ouest. Ravitailler la ville. Iront du nord-ouest, 4 à 6. Hier et demain. Mer agitée à Forte, houle de nord-ouest 3 mètres. Élise Gruau. Grains orageux s'atténuant. Agnès Catou. Le 10 avril 1671. Monsieur le prince de Condé. Monsieur Vatel. Sa Majesté m'a donné toute raison de croire qu'elle accepterait volontiers de se rendre à Chantilly à votre invitation. La visite durera 3 jours. Pour vendredi, le banquet de poisson sera servi sur une mer de glace. Le roi prendra froid. Non, mon prince. Le roi me charge de vous dire son désir qu'elle se déroule sans solennité dans la simplicité des plaisirs champêtres. En d'autres termes, si vous prisez la faveur que vous fait Sa Majesté, vous veillerez à ce que les fêtes soient d'une somptuosité et d'une fantaisie sans limite. Les braseros seront allumés une heure avant le début du banquet. La glace va fondre? Non. Marquis de Lauzun. Je lui interdis de fondre, mon prince. Au service de Sa Majesté Louis XIV. Deuxième épisode, conserver le frais dans tous ses états. Fraîcheur, nom féminin. État de ce qui est légèrement et agréablement froid. Exemple, chercher un peu de fraîcheur par un après-midi torride. Aujourd'hui, vers nos grandes villes d'Occident, affluent chaque jour des tonnes de produits frais. Nous trouvons en abondance et sans même nous en étonner, quantité de poissons, viandes, fruits et légumes à disposition chez les commerçants de détail et dans les supermarchés grâce à une immense chaîne du froid. Mais le frais, est-ce bien l'équivalent du froid? Suffit-il seulement d'abaisser la température d'un produit pour pouvoir le qualifier de frais, authentiquement frais? La glacière pour les pique-niques, le congélo rempli pour des haricots verts tout l'hiver, nous sommes tellement habitués à nos frigos qu'il est difficile d'imaginer que le froid n'a pas toujours eu la fonction de conservation que nous lui connaissons. Alors que refleurissent des circuits courts pour réduire le temps entre l'instant de la cueillette, de la pêche ou de l'abattage et l'assiette du consommateur, nous nous interrogeons sur l'histoire des solutions qui ont été inventées pour fournir aux citadins des aliments en bon état pour pouvoir être consommés. Dans une variation sur la fraîcheur, nous verrons que de l'ultra frais à l'ultra sec, la question de la conservation est tout un art qui a nourri l'imagination des producteurs d'aliments. Avec, en ligne de mire, le goût du frais, encore gorgé de la vie dont il vient d'être extrait. Pour voir comment s'opérait la provision d'une grande ville comme Paris, nous rencontrons Reynald Abad, professeur d'histoire moderne. Il est l'auteur du livre « Le Grand Marché, l'approvisionnement alimentaire de Paris sous l'Ancien Régime ». La question de l'approvisionnement en poissons frais à Paris ou dans les environs de Paris, est souvent associé dans l'imaginaire des Français encore aujourd'hui au personnage de Vatel, qui a été rendu populaire notamment par la littérature et surtout par le cinéma. Et c'est un personnage intéressant parce que tout le monde se souvient du fait qu'il se suicide parce qu'il n'est pas capable précisément d'approvisionner dans les délais nécessaires la table de son maître, qui est le prince de Condé, qui est l'un des plus grands seigneurs du royaume et qui a organisé une fête en l'honneur de Louis XIV. Mais donner une fête à Louis XIV, ça veut dire donner une fête à la cour en définitive. Donc c'est beaucoup de monde, ça veut dire des centaines de personnes à nourrir pendant plusieurs jours. Alors les tables royales privilégient évidemment les plus beaux poissons. Celui qui se pêche en Manche et qui est le plus réputé, et qui l'est d'ailleurs souvent encore aujourd'hui, ce sont les variétés de poissons plats. Par exemple la sole, la raie, vous voyez, le turbot, ce genre de poissons. Et puis il y a aussi le saumon, qui est une variété réputée, mais totalement différente, puisqu'elle ne se pêche pas en mer, elle se pêche principalement à l'embouchure des rivières ou des fleuves, parce que c'est un poisson qui, à certaines périodes de l'année, remonte en fait les rivières et les fleuves. Et il y a des pêcheries à l'entrée ou même parfois un peu à l'intérieur des terres des principales rivières ou fleuves dans le nord de la France. Alors c'est quelque chose qui nous paraît tout à fait exotique, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus globalement de remontée de saumon dans les rivières ou les fleuves du nord de la France. Sous l'Ancien Régime, il y avait encore une population de saumon qui remontait les fleuves et les rivières pour la ponte et qui ensuite redescendait vers la mer. Donc on avait des pêcheries et c'était un autre poisson assez réputé. Il y aura du turbot, de la sole, du brochet, du flétan, du mulet, dressés en monceau comme sur les gravures. Truites et saumons sembleront nager dans le bouillon. Sur la table de Sa Majesté, un monstre marin, une énorme morue cuite d'une pièce, engelée, décorée, tenant dans sa gueule un maquereau. Jamais l'on n'aura vu un tel festin de glace. François Vatel lui-même n'est pas cuisinier, c'est le maître d'hôtel du prince de Condé, donc c'est l'organisateur, c'est celui qui a planifié les festivités, et c'est lui notamment qui a organisé la chaîne d'approvisionnement en commandant en fait le poisson de mer dans différents ports de mer de la Manche, dont les sources ne nous ont pas gardé le souvenir, mais dont on peut estimer qu'il s'agit des principaux ports d'approvisionnement de l'époque en Haute-Normandie, à commencer par Dieppe, qui est le port le plus important à cette époque-là, bien bien loin devant Boulogne, qui ne le deviendra que beaucoup plus tard au XIXe siècle. Je m'inquiète au sujet du poisson. J'ai envoyé quelqu'un à Dieppe pour en ramener une autre charrette au cas où il y aurait de la tempête au Havre. Quoi d'autre ? Rien, à moins qu'il ne pleuve. Et donc, va-t-elle a organisé un approvisionnement en poissons frais parce qu'il a un des repas à servir un jour maigre, jour pendant lequel les catholiques d'Ancien Régime et donc la société presque dans son entier ne mangent pas de chair et mangent de façon privilégiée du poisson. Et l'histoire retient effectivement qu'il se suicide de désespoir lorsqu'au petit matin, alors qu'on approche du temps où il faudra préparer le poisson, les arrivages ne sont pas là. Et donc cet épisode est resté très très spectaculaire, mais au-delà du caractère presque anecdotique, si j'ose dire, de la mort d'un individu, ce qui est intéressant, c'est le révélateur, au fond, des difficultés que constitue l'approvisionnement en poissons de mer frais, dans la mesure où elle rappelle à quel point il est difficile de garantir la chaîne d'approvisionnement depuis les ports, et en réalité pas seulement depuis les ports, mais depuis la mer elle-même, jusqu'au lieu de consommation. En effet, il faut tenir compte du délai de pêche lui-même, et de la distance de la pêche par rapport à la côte. Or, à cette époque-là, on ne pêche pas exclusivement sur les côtes, bien entendu, on pêche très loin en Manche, et pour les plus belles espèces, on pêche assez proche des côtes britanniques. Et donc, il faut le délai déjà pour revenir de ces parages de pêche jusqu'au port français. Ensuite, il y a des délais de manutention. Il faut conditionner le poisson, le protéger autant que faire se peut des chaos de la route, du climat ambiant qui parfois est trop chaud, et cet épisode se situe vers le mois d'avril, qui n'est pas un mois extrêmement favorable. Et puis ensuite, il y a le délai de transport lui-même, avec les difficultés de circulation qui peuvent se présenter sur des routes qui peuvent être extrêmement difficiles d'accès et ensuite difficiles de trajet. Alors dans le cas qui nous occupe, on retient d'après des sources que les jours précédents ont été des jours extrêmement pluvieux, et donc ça a pu être un facteur aussi qui a rendu les routes extrêmement difficiles à pratiquer et qui peut expliquer le retard de la marée, c'est-à-dire du poisson de mer frais ce jour-là. C'est tout ? Oui, monsieur. Avez-vous vu d'autres charrettes de poissons sur la route ? Non, monsieur. La tempête faisait rage sur toute la côte. Peu de bateaux ont pris la mer et ils sont rentrés bredouilles. Tempête. Madame de Sévigné à Madame de Grignan. Paris, ce dimanche 26 avril 1671. Revenez demain, on vous paiera. Merci, monsieur Vatel. Je vous relate ce qui s'est passé à Chantilly, touchant Vatel. Le roi arriva jeudi au soir. La chasse, les lanternes, le clair de la lune, la promenade, la collation dans un lieu tapissé de jonquilles, tout cela fut à souhait. On soupa. Il y eut quelques tables où le rôti manqua. Cela saisit Vatel. À 4h du matin, Vatel s'en va partout, il trouve tout endormi. Il rencontre un petit pourvoyeur qui lui apportait seulement 2 charges de marée. Il lui demanda « Est-ce là tout ?» Il lui dit « Oui, monsieur. » Il ne savait pas que Vatel avait envoyé à tous les ports de mer. Il attend quelque temps, les autres pourvoyeurs ne viennent point. Sa tête s'échauffait, il croit qu'il n'y aura point d'autres marées. Il trouve Gourville et lui dit « Monsieur, je ne survivrai pas à cet affront-ci. J'ai de l'honneur et de la réputation à perdre. » Vatel monte à sa chambre, met son épée contre la porte et cela passe au travers du cœur. Il tombe mort. La marée, cependant, arrive de tous côtés. On cherche Vatel pour la distribuer. On va à sa chambre, on le trouve, noyé dans son sang. C'était trop tard pour le pauvre Vatel. Reynald Abad, comment se passe l'approvisionnement du Royaume de France et notamment de Paris, de la capitale, sous l'Ancien Régime ? Alors, ce qui fait la singularité de Paris, c'est d'une part évidemment sa dimension, donc sa démographie. Nous sommes dans une ville qui tourne autour d'un 500 000 d'habitants et qui atteint sans doute 650 000 habitants à la veille de la Révolution. Et donc c'est une ville qui n'a pas d'équivalent dans le reste du royaume. Les autres villes, même les plus grandes, sont très très loin derrière à la veille de la Révolution. Elles ont 120 000, 150 000 habitants. Donc c'est une ville dont la dimension est considérable, donc ses besoins alimentaires sont absolument prodigieux. Et puis par ailleurs, il se trouve que c'est une ville capitale et qu'elle abrite les élites du royaume en définitive. Et par conséquent, non seulement cette ville est extrêmement populeuse et sa demande est gigantesque, mais par-dessus le marché, il y a dans une partie de la population une clientèle qui achète le meilleur. Et ça contribue également à développer un approvisionnement très très important dans des produits qui ailleurs dans le royaume sont peu commercialisés ou rarement commercialisés du fait de leur prix. Donc on a à la fois un besoin massif, y compris pour une clientèle pauvre, et on a en même temps des besoins très importants pour une clientèle très riche. Et le résultat, c'est qu'on voit émerger des chaînes d'approvisionnement, parfois totalement originales, en tout cas beaucoup plus développées que dans le reste du royaume, dans tous les domaines de l'alimentation. L'approvisionnement en huîtres, par exemple, c'est une chaîne d'approvisionnement très très originale qui consiste non pas simplement à porter des huîtres fraîches, mais à trouver le moyen d'augmenter la durée de vie des huîtres qu'on transporte en les faisant transiter par des parcs à huîtres dans certains ports de la Manche, très loin du lieu où elles sont pêchées. Ces parcs à huîtres servant à la fois à les affiner sur le plan de la saveur et en même temps à essayer de développer leur capacité de conservation parce qu'on les installe dans des parcs à huîtres qui sont périodiquement couverts et découverts par la mer. Et cette forme de conservation rend les huîtres plus propres à être ensuite transportées jusqu'à Paris. Et puis par ailleurs, la conservation de ces huîtres dans ces parcs fait qu'elles verdissent. Et apparemment, ce verdissage ou ce verdissement, comme l'aurait dit l'Ancien Régime, donne une saveur particulière à l'huître. Et donc, il y a une partie des huîtres qui sont, sur le marché de l'huître, une catégorie particulière de produits qui est supposée à la fois être meilleure et se conserver dans des conditions plus satisfaisantes. Et donc, ça crée un marché de niche qui est typique de cette transformation de l'approvisionnement sur quelques produits pour les élites, avec évidemment un coût de revient qui est considérable parce qu'on a le coût de transport, on a l'aménagement des parcs, la conservation dans les parcs, puis le transport jusqu'à Paris qui se fait dans des conditions beaucoup plus raffinées que le transport en vrac en fait des huîtres qu'on vient de pêcher. Reynald Abad, nous évoquons les poissons consommés par une élite parisienne de la capitale, mais le peuple de Paris, est-ce qu'il voit parfois du poisson frais arriver sur les étals du marché ? Alors oui, il y a une consommation populaire de poissons frais, mais elle est surtout tournée vers les grands poissons migrateurs et spécialement vers le hareng. Le hareng, à la différence des poissons plats dont on parlait il y a quelques instants, est un poisson migrateur qui voyage dans les mers et qui se déplace en fonction des conditions de température et de salinité. Et donc il y a un cycle de circulation du hareng entre la mer du Nord et la Manche, par exemple, à une période de l'année. Et là, il y a des bancs extrêmement poissonneux qui se déplacent. Et donc ça permet une pêche très abondante, beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, beaucoup plus prolifique que celle qui se fait sur les fonds. Et cette pêche-là permet à certains moments de l'année, lorsque le poisson migrateur est dans les zones les mieux adaptées à l'approvisionnement de Paris, permet effectivement un apport de poissons frais assez considérable. Et le hareng peut faire partie, parmi les poissons frais, des poissons consommés par une catégorie de la population qui n'est peut-être pas encore une catégorie populaire, mais qui dépasse assez largement les élites. Et à l'époque, quels sont les moyens de conservation de la fraîcheur du poisson ? Alors le principal moyen, en réalité, c'est la vitesse, qui est le premier moyen, évidemment, auquel on songe. Il faut faire très vite. Le second moyen, c'est évidemment de jouer sur le climat. Autrement dit, il y a des saisons dans l'année où l'aire d'approvisionnement, c'est-à-dire la zone dans laquelle on s'approvisionne, grandit, et des saisons de l'année où elle se rétrécit. Et il y a même des moments dans l'année au cœur de l'été où en fait il n'y a plus de port suffisamment proche pour transporter le poisson dans de bonnes conditions. Donc le deuxième élément qui joue, c'est je dirais le gonflement ou au contraire la rétractation de l'aire d'approvisionnement qu'on adapte au climat. Et on a presque terminé. Parce qu'après, on n'a plus guère de moyens. Il y a eu des tentatives de transport du poisson de mer frais par des formes primitives, si j'ose dire, de réfrigération. Notamment dans les années 1780, on a la trace d'une entreprise qui a construit une chaîne d'approvisionnement qui était ponctuée tout au long de la route par des glacières et qui a tenté manifestement de mettre en œuvre un approvisionnement avec des voitures qu'on pourrait qualifier de réfrigérées. Et elle se propose de transporter entre Fécamp et Paris des produits frais. Elle pense surtout à la marée, c'est-à-dire aux poissons de mer frais, parce que c'est le produit le plus cher et potentiellement le plus rémunérateur. Mais elle propose aussi d'autres produits et manifestement, elle travaille aussi sur le beurre. Et donc l'idée est de remettre de la glace dans des voitures et de réfrigérer le produit pour permettre sa bonne conservation jusqu'à Paris. Tout ce qu'on sait de cette entreprise, c'est qu'en fait, elle fait faillite. Il est assez difficile de connaître les circonstances exactes de cet échec, mais il est assez vraisemblable que cet échec est lié au fait que cette réfrigération, quand bien même elle aurait donné des résultats satisfaisants, représentait un tel coût financier qu'elle n'était pas en définitive rentable et pas concurrentielle par rapport au reste du marché, où on arrivait quand même à transporter du beurre frais et du poisson frais à Paris, même avec des pertes importantes. Fraîcheur. Absence de fatigue. Exemple, terminer la course dans un état de fraîcheur exceptionnel. Mais tandis que la glace fond, car on ne peut pas encore la remettre au congélo, regardons quelques usages de la glace naturelle à travers l'histoire. Ada Kovitsiotiamo, vous êtes anthropologue, vous êtes spécialiste des usages de la glace. Où est-ce qu'on se trouve ici ? On est devant l'entrée du métro glaciaire à Paris. Ici, autrefois, il n'y avait pas le métro, mais il n'y avait même pas les immeubles autour. C'était vide. Sous nos pieds passait une rivière, la Bièvre, qui, jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'à la transformation haussmannienne des rues et des circulations dans Paris, elle était quand même détectable et aussi visible. Au 19e siècle, les gens faisaient leur lessive des dents, patinaient l'hiver, les gamins jouaient dans les boues de la Bièvre. Au moment où il y a le gel, les gens qui coupent la glace et qui la stockent. Et juste un petit peu plus loin, il y avait une porte, bien sûr, parce que les remparts ne sont pas loin, qui s'appelait à un moment la barrière. La barrière, ça veut dire une entrée en ville où on est contrôlé en cas de contagion, par exemple en cas de peste. C'était le plus beau, c'était le plus gros, comme qui dirait l'empereur des dos. Il gouvernait à la barrière, à la glacière. Et à partir des années 1860, il y a donc des entrepôts, justement les entrepôts de la glacière pour la ville de Paris, qui sont approvisionnés non seulement par la Bièvre et par la fontaine Mullard, on disait, pas très loin d'ici, la fontaine Mullard qui gelait couramment, mais on amenait aussi de la glace qui venait d'autres endroits, en France, en Europe, et même des fois il y avait la glace de Norvège qui arrivait par bateau et qui était donc ramenée par charrette à toute vitesse à Paris. Voilà. Lui, quand il était tout petit, il faisait des calipettes dans le lit de la Bièvre, qui est une jolie rivière à la glacière. La rivière de la Bièvre qui se jette dans la Seine, elle allait un peu plus loin, en dehors de Paris, et c'est là qu'on allait récupérer des eaux gelées. Il y avait au moins une quarantaine de localités dans l'actuelle Île-de-France qui approvisionnaient Paris en glace, par exemple Chaville, Viroflay, Gentilly qui est tout près, et même le lac du Bois de Vincennes, le lac du Bois de Boulogne. Il y avait aussi tous les étangs sur Boulogne-Billancourt, qui était donc l'endroit choisi à la fin du 19e siècle pour bâtir une usine à glace. Et à partir des années 1890, les entrepôts donc de la glacière, ici, n'étaient plus vraiment performants pour l'approvisionnement de Paris. À la glacière. Les gens récupéraient la glace naturelle causée par le gel de l'hiver sur les rivières, coupaient la glace et la stockaient dans des réservoirs, dans des lieux de stockage comme ici à Glacière. À quels usages elle était destinée ? Tout le monde l'a dit qu'en fait, on en avait besoin pour conserver les aliments. Point. Sauf que quand on regarde de près, ben, ce n'est pas le cas. La glace, elle est là pour rafraîchir. Et il y a un curseur qui court entre le besoin et le luxe, entre l'hygiène et le plaisir, entre la conservation donc, des productions alimentaires en cellier et la fête, qu'elle soit familiale, qu'elle soit collective. C'est des usages donc plutôt pour rafraîchir les boissons. Et ce qui est intéressant, c'est depuis toujours, on a utilisé surtout la neige battue pour faire des desserts. Et depuis donc la Renaissance, il y a un grand engouement pour les crèmes glacées, pour les sorbets, pour tout ce qu'on appelle mousse rafraîchissante, mousse de fruits, etc., etc. Et c'est des nouveaux ustensiles de cuisine qui apparaissent, notamment la sorbetière, que nous en avons encore de nos jours en électrique. Mais à l'époque, c'était donc actionné par la force des bras. On a un personnage célèbre, un Italien qui est resté célèbre en France, autour des glaces et des sorbets, c'est Procope. Voilà, en 1660 à peu près, Procopio Cultelli, maître glacier en Italie, a ouvert le Procope à Paris. Donc le Procope, le café qu'on connaît à Odéon, au centre de Paris, c'était un débit de glace, de crème glacée au XVIIe siècle. Oui, à partir de la deuxième moitié du XVIIe, il y avait plusieurs dizaines de débits comme ça sur Paris. Le Procope existe toujours, il fait toujours des glaces excellentes. Fraîcheur. Qualité d'une odeur, d'une couleur qui procure une sensation agréable et fraîche. Exemple, la fraîcheur d'un coloris. pêle-mêle, au hasard du coup de filet, les algues profondes, où dort la vie mystérieuse des grandes eaux, avaient tout livré. Les cabillauds, les aigles fins, les carrelets, les plis, les limandes, bêtes communes d'un gris sale aux taches blanchâtres, les congres, ces grosses couleuvres d'un bleu de vase aux minces yeux noirs, si gluantes qu'elles semblent ramper, vivantes encore, les raies élargies à ventre pâle bordé de rouge tendre, dont les dos superbes, allongeant les nœuds saillants de l'échine, se marbrent jusqu'aux baleines tendues des nageoires, deux plaques de cinabre coupées par des zébrures de bronze florentin, d'une bigarrure assombrie de crapauds et de leurs fleurs malsaines. Puis venaient les beaux poissons, isolés, un sur chaque plateau d'osier. Les saumons, d'argent guilloché, dont chaque écaille semble un coup de burin dans le poli du métal. Les mulets, d'écailles plus fortes, de ciselures plus grossières. Les grands turbots, les grandes barbues, d'un grain serré et blanc comme du lait caillé. Les thons, lisses et vernis, pareils à des sacs de cuir noirâtre. Les barres arrondies, ouvrant une bouche énorme, faisant songer à quelque âme trop grosse rendue à pleine gorge dans la stupéfaction de l'agonie. Nous parlons ici du poisson frais, mais la solution majeure pour faire manger du poisson à une très grande partie de la population, c'est de renoncer au poisson frais et d'en faire un poisson de conserve. Alors, le poisson de conserve, ça n'est pas un poisson dans des boîtes de conserve. La boîte de conserve n'existe pas sous l'Ancien Régime. Elle est tributaire d'un procédé qu'on appelle l'apertisation, qui apparaît à l'extrême fin du XVIIIe siècle et qui se développe au XIXe siècle et qui va donner lieu à l'industrie de la conserve. Le poisson de conserve sous l'Ancien Régime, c'est un poisson auquel on a appliqué une ou plusieurs transformations qui est destinée à permettre sa conservation pendant des semaines, éventuellement des mois, éventuellement des années. Et donc là, on bascule sur un marché qui est totalement différent. Et quels sont ces procédés de conservation ? D'abord et avant tout, le salage. Donc le hareng dont on parlait tout à l'heure, qui se vend frais, se vend aussi salé. Ensuite, l'autre grand procédé, c'est le saurissage. Donc ce qu'on appelle le hareng sort, qui est en fait un hareng fumé. L'autre grand procédé, c'est le séchage. C'est par exemple le cas de la morue, hein, la morue séchée, qu'on connaît encore aujourd'hui. Hein, dans certains pays méditerranéens, notamment au Portugal, c'est un produit qui est extrêmement populaire. Et puis on connaît aussi des processus qui entrent déjà dans la transformation cuisinée, si j'ose dire, avec des poissons qui sont véritablement cuisinés et ensuite conservés dans une marinade. C'est le cas, par exemple, du thon. Et donc, on a, en arrivant à Paris, et dans d'autres lieux en France, cette fois un peu partout dans le royaume, parce qu'en fait, la profondeur territoriale n'est plus un problème parce que le poisson se conserve longtemps, on a une circulation très considérable de poissons de conserve, c'est-à-dire de poissons transformés. Et là, on a une consommation populaire parce que ces poissons sont peu onéreux, notamment parce qu'il n'y a plus de conditions sur le transport. On peut transporter lentement, très lentement, et donc utiliser les voies de transport qui sont les moins onéreuses, c'est-à-dire la voie d'eau. Et puis par ailleurs, parce qu'on travaille très souvent sur des poissons qui sont des poissons migrateurs, c'est le cas en particulier du hareng, ou sur des poissons qui sont extrêmement abondants, c'est le cas de la morue, on a des pêches qui sont abondantes et un coût de revient de la pêche qui est assez faible. Mais ça veut dire, par conséquent, qu'on construit une chaîne logistique qui, là, devient encore plus spectaculaire que celle du poisson frais. En effet, le grand modèle, ça a été le hareng. Or, une grande partie du hareng se pêche en mer du Nord, qui, lorsqu'il est salé ou sauri, subit une première transformation à bord des bateaux, c'est-à-dire un premier salage pour assurer quelques jours, voire quelques semaines de conservation provisoire jusqu'au retour au port, parce qu'on est très très loin en mer et parce qu'on fait une pêche très abondante avec de gros bateaux qui font des voyages sur longue distance. Et lorsqu'après éventuellement plusieurs semaines, les bateaux arrivent au port, on décharge ces poissons qui ont été sommairement préparés dans des ateliers où on procède à une seconde transformation qui, elle, est beaucoup plus raffinée et qui débouche sur un conditionnement en tonneau hermétique, avec des conditions de préparation, de conservation, qui sont particulièrement minutieuses. Et c'est à partir de là qu'on peut se permettre ensuite de transporter lentement jusqu'aux extrémités du royaume et jusqu'aux pays de montagne, par exemple, dont les épiceries ou les magasins alimentaires peuvent avoir du hareng salé. Du reste, l'un des éléments sans doute les plus intéressants et qui attire assez peu l'attention en général des historiens, à tort à mon sens, est le fait que c'est dans ce secteur-là en réalité qu'apparaît en définitive l'une des premières, sinon la première industrie agroalimentaire. En effet, avant la naissance véritablement de la conserve ou de la réfrigération, l'industrie agroalimentaire est quasi inexistante. Mais précisément dans le cas du hareng, l'un des aspects les plus spectaculaires, c'est sans doute celui du saurissage, c'est-à-dire ce hareng fumé, dans la mesure où, pour être préparé, il est installé d'abord manuellement des baguettes de bois dans les ouïes des poissons pour aligner des poissons sur des baguettes par dizaines. Et ensuite, surtout, on a construit des bâtiments cheminés qui font une hauteur très importante. D'après les gravures qu'on a, on doit dépasser les 10 ou 15 mètres pour certains de ces bâtiments. Et on installe, en fait, sur cette hauteur vertigineuse, toutes ces baguettes qui portent chacune des dizaines de poissons. Et donc, on a des milliers de poissons dans ce bâtiment cheminé. Et ensuite, tout l'art du saurissage consiste à savoir, à la base de la cheminée, entretenir le feu parfait pour procéder au fumage. C'est-à-dire un feu qui ne cuit pas le poisson, mais qui le fume. Et ceci de la base jusqu'au sommet de la cheminée. Et donc, on a un processus qui, au fond, est un processus industriel, parce qu'il y a une répartition des tâches de poste en poste dans l'atelier, parce qu'il y a un personnel très nombreux, et parce qu'on produit quelque chose qui, en fait, est standardisé. Donc, on a là, de manière très intéressante, l'apparition, au fond, d'une forme d'industrie agroalimentaire qui, à mon sens, est la première industrie agroalimentaire en France, et même sous l'Ancien Régime en général. Ainsi, avant la réfrigération artificielle, la conservation a d'abord été l'art de transformer les produits. Une contrainte qui s'est révélée une source d'invention gastronomique pour notre plus grand plaisir. Alors, le lait est un produit qu'il faut envisager, si j'ose dire, tout au long de sa chaîne de transformation, parce que précisément, c'est la conservation qui conditionne la commercialisation du lait. Pour dire les choses très simplement, plus les producteurs de lait sont loin de leurs débouchés, plus ils sont obligés de trouver des formes de transformation qui permettent la conservation et le transport sur longue distance. Pour prendre des exemples très simples, si on va d'un bout de la chaîne à l'autre, à une extrémité de la chaîne, vous avez le lait frais. Le lait frais, c'est un lait qui se commercialise immédiatement sous l'Ancien Régime, parce qu'on ne dispose pas de la réfrigération pour le conserver. Donc il faut que ce soit des fermes très proches de Paris. Des fermes très proches de Paris, et mieux encore dans le cas du lait, en réalité, il y a des étables dans Paris, avec une profession qui est spécialisée dans l'élevage de vaches laitières pour en tirer le lait chaque jour et faire une livraison au matin, au premier repas de la journée, ce qu'on appellerait le petit déjeuner, et pour livrer immédiatement le lait au consommateur. Il y a même des descriptions un peu pittoresques qui montrent des nourrisseurs de bestiaux qui trimballent des vaches laitières dans Paris et qui s'arrêtent devant la maison pour traire le lait pour le consommateur. C'est peut-être une image un peu pittoresque, exagérée. Je pense que la majorité, en fait, transporte le lait dans des bidons. Mais ces étables sont dans Paris. Donc là, vous êtes dans une chaîne d'approvisionnement qui est extrêmement courte, sans transformation. Et ce lait est très rentable. Et il est en plus, sans doute, de plus en plus demandé au XVIIIe siècle, parce que la consommation de café explose au XVIIIe siècle. Et il se trouve que les Parisiens consomment massivement du café au lait. Donc le résultat, c'est que là, vous êtes à un bout de la chaîne. Tout est très court. Et puis, à l'autre bout du spectre, de plus en plus loin, vous avez la manière de conserver le lait le plus longtemps et de le rentabiliser pour des pays qui sont très éloignés des débouchés, par exemple des pays de montagne. C'est des fromages de très longue conservation. Et donc, entre le lait frais et la tome de montagne, vous avez toutes les étapes intermédiaires de transformation, c'est-à-dire qu'après le lait frais, vous avez la crème fraîche. Après la crème fraîche, vous avez les fromages frais. Après les fromages frais, vous avez les fromages, dirions-nous aujourd'hui, à pâte molle, la famille, je ne sais pas, des camemberts, des pavés d'auge. Et puis, à l'autre bout du spectre, de plus en plus loin, vous avez les fromages à pâte persillée, les ancêtres de nos roquefort. Et puis enfin, les tomes de montagne, qui peuvent se conserver très loin et qui sont même commercialisés pour les marins, pour les voyages au long cours. Par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, on a donc une organisation de l'approvisionnement qui est liée directement à la question de la conservation et qui détermine en fait l'activité même des terroirs. Autrement dit, le choix du produit que vous allez commercialiser est directement lié à votre distance au débouché et donc à des problèmes de conservation. Et là encore, il y a une invention de produits pour résoudre des problématiques de conservation. En partie, oui. Et qui stimulent à la fois des savoir-faire et aussi finissent par stimuler l'imagination des producteurs pour proposer des nouveaux produits. Ou des produits ordinaires, qu'on connaissait déjà, mais dans une qualité et un raffinement qui est neuf. C'est le coin des garneaux, y a pas d'aristo. Des guinguettes, des musettes et des petits bistrots. On boit du gros. On n'y joue pas du violon, tout comme dans les salons, oui, mais de l'accordéon. C'est bien plus chouette. Et l'on y danse la java bien serrée dans les bras d'un petit homme bien assoir à la Villette. Elisabeth Philippe, vous êtes historienne. Nous nous trouvons sur la grande place pavée qui est devant la grande halle de la Villette. Devant nous, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, le Café de la Musique, derrière nous, la Cité de la Musique, la Philharmonie de Paris et la grande halle de la Villette qui est devenue vraiment un lieu de spectacle très important pour tous les Parisiens. Cette grande halle correspond à une fonction qui a aujourd'hui complètement disparu. Qu'est-ce que ça a été pour Paris ? La grande halle que vous avez devant vous est une halle qui pouvait contenir 5 000, 6 000 bœufs. Et en temps de marché, c'était très impressionnant. Et vous avez des lisses là, les poteaux que l'on voit avec les barres transversales, c'était là où on attachait les animaux. Et alors on les attachait par le cou pour qu'ils montent leur derrière, parce que pour savoir combien pesait une bête, on la tâtait au derrière, hein. C'était pas à l'avant. Quoi. Voilà. C'était le bon sens paysan ici. Hein. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que c'était tout un espace, plus de 5 hectares, qui était fermé au public. Personne ne pouvait entrer sans identification. Les gens qui venaient, c'était des professionnels. Et sur les lieux, il y avait 3000 personnes qui travaillaient en permanence. Vous parlez de quelle époque ? Alors, à partir de 1867, et progressivement, on va dire l'immense époque, c'est 1890-98, où l'arrivée des animaux était en surnombre. Et jusqu'en 1930-35, c'était comme ça. Alors, pour Paris, c'était les chevillards qui venaient acheter leurs bestiaux ici. Alors, le chevillard, c'est celui qui vendait à la cheville. En fait, une carcasse est fendue en deux, et elle est accrochée à la cheville. Et la cheville, c'est le crochet aussi qui s'appelle cheville. Et donc, c'est un boucher en gros qui vend à la carcasse. Il n'y a pas de détail. Le détail, c'est le boucher dans sa boucherie. J'aurais tant voulu être fonctionnaire. J'ai pas pu choisir, je suis né boucher. Comme l'étaient déjà mon père et ma mère. Les grands couteaux, c'est mon métier. Comment se passait l'activité de boucherie à Paris avant la création des abattoirs de la Villette ? Les premiers abattoirs parisiens ont ouvert en 1818. Mais avant, c'était dans les rues de Paris qu'on abattait les animaux, ce qu'on appelait les étaux de Paris. Et ils avaient à côté un endroit où ils abattaient la bête et le sang s'écoulait dans le caniveau. Et donc, à partir de Napoléon, 1807, c'est lui qui a décidé de cacher la vue du sang pour l'hygiène aussi. Vous savez, les mouvements hygiénistes qui commençaient à faire leur apparition. Et donc, on a décidé d'enfermer la mort, quoi. Comme on a enfermé les morts plus tard dans des cimetières un peu plus lointains que le centre de Paris. Et donc, les premiers abattoirs, il y en a eu 10 jusqu'en 1860. 3 dans le sud de Paris et 5 dans le nord de Paris. Le problème était le suivant. Il y avait donc 10 transports d'animaux journaliers dans Paris. Ils étaient arrêtés aux portes, on les comptait, il y avait des débarqueurs, il y avait des gens qui menaient les animaux, mais tout de même, ils étaient dans les rues de Paris. Les gens se plaignaient, hein, des petits abattoirs de nuisance, comme on dirait aujourd'hui. J'ai du pot-au-feu, une langue fine, un peu de poitrine, un filet mignon. J'ai ma femme aussi, mais elle me chagrine avec ses clins d'œil aux garçons. Elisabeth Philippe, comment se passait l'acheminement des bêtes jusqu'à Paris ? Il y a des gens qui vont récupérer les animaux chez les paysans, premièrement. Ils les emmènent dans les marchés régionaux. Les deux grands marchés qui existaient autrefois, c'était Poissy et Sceaux. Poissy était un marché qui était à 38 km. Et dans les marchés régionaux, il y a une première vente de marchands bestiaux qui, eux, vont acheminer les animaux achetés à Paris, dans les abattoirs. C'est le tango des bouchers de la Villette. C'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne. Les animaux marchaient à pied autrefois, avant les chemins de fer. Et donc, on avait constaté que les pauvres bêtes, elles maigrissaient. Mais pas toutes. Les animaux qui marchaient vraiment à pied, c'était les bœufs, les vaches. Pas les veaux, parce que les veaux, ils étaient transportés dans des voitures hippomobiles. Les cochons, on ne les faisait pas marcher parce qu'ils mouraient d'éviscération précoce. Parce qu'ils se cassent les os, hein, c'est du cartilage, les pauvres bêtes. Alors, on doit les abattre immédiatement. Donc, on les mettait aussi sur des voitures hippomobiles. Oui, vous avez établi un tableau qui montre la perte de poids selon les races. Voilà. Entre Poissy et les abattoirs. Donc, pour une vache normande. Oui. Qui faisait un poids de 800 kg au départ de Poissy, quand elle arrivait au lieu d'abattage, elle ne pesait plus que 772 kg. Voilà. 28 kg de différence. Voilà. Oui. Ce qui fait une proportion par tête de 3,5% de perte de poids, rien que pour l'acheminement à pied de la bête. Donc ça, j'imagine, c'est un vrai problème qui invite les pouvoirs politiques parisiens à se demander comment est-ce qu'on pourrait rationaliser mieux l'apport de la viande. Alors c'est vrai que les chemins de fer ont résolu le grand problème de l'acheminement et de l'approvisionnement des animaux de boucherie à Paris, c'est clair. Donc, on a commencé à installer les voies de chemin de fer tout autour de Paris. 1854, le chemin de fer de ceinture, qui commençait à relier les grandes gares. Et donc, les animaux cheminaient à travers tout cela et arrivaient donc dans les abattoirs qui étaient dans le sud, dans le nord. Et puis, on a construit la Villette. Et bien, à la Villette, c'est sûr qu'ils arrivaient en masse par les chemins de fer. Toute la semaine, les animaux arrivaient. Le regard pur et le front innocent. Elle a les mains toutes couvertes de sang. C'est la brave fille des abattoirs. À la Villette, il faut la voir. Assister au dernier supplice des pauvres taureaux, des pauvres génisses. Au porc qui souffre avant de s'aloir, elle apporte un suprême espoir. Viande à saucisse, pour que les riches y s'emplissent. Elisabeth Philippe, comment est-ce qu'on conservait la viande dans ce 19e siècle aux halles de la Villette, alors qu'on n'avait pas encore de réfrigération? Oui, alors, au 19e siècle, comment conservait-il? Il ne conservait pas du tout la viande. Il l'acheminait dès qu'elle était prête, elle était vendue. Celui qui en pâtissait, c'était le boucher détaillant, qui lui, quand il achetait une moitié de carcasse, il fallait qu'il la débite, mais en très peu de temps. Et alors, il ne savait pas encore bien couper la viande. Alors, il débitait la carcasse du bas vers le haut. Donc, c'était très artisanal, la boucherie parisienne. La boucherie en général, quoi. Et pourquoi c'est moins bien de découper la viande du bas vers le haut? Eh bien, parce que si la clientèle veut du rôti ou du bouilli, ça ne vous permet pas d'accéder à la demande de la clientèle. Elle était accrochée à la cheville, la carcasse. Et donc, il coupait de la tête vers le haut. Et donc, c'est lui qui décidait ce qu'il avait comme morceau à vendre. Ce n'est pas les clients. Et c'est à quelle époque qu'apparaît cet art de détailler la viande sur la carcasse pour le boucher? À la fin du 19e siècle, on voit des boucheries détaillant avec des étalages de viande, de morceaux, etc. La confection des rôtis, prêts comme ça à l'emploi, certains bouchers le faisaient et d'autres non. Hein, les tout petits, non. Mais l'art de la boucherie, l'art de la découpe, ça apparaît surtout entre les deux guerres et après la guerre. Parce que les gens mangeaient de la viande. Qui mangeait de la viande? Parce que c'est ça aussi le problème. Il y a eu une époque où il n'y avait que ceux qui avaient de l'argent qui pouvaient manger de la viande. Les autres mangeaient des tripes. Et manger de la viande, ça a été un droit. Après la Deuxième Guerre, c'est De Gaulle qui avait lancé ça. On disait « manger de la viande ». Vous voyez, il y avait des grands slogans comme ça. « Suivez le bœuf, mangez votre steak frites », etc. Avant, dans l'entre-deux-guerres, c'était « manger du cheval » parce que vous n'aurez plus la tuberculose. On incitait les gens à manger de la viande parce que ça donne des forces. On sait aujourd'hui que ce n'est pas forcément vrai, mais c'était pour que l'ouvrier travaille mieux, hein, parce qu'il fallait qu'il y ait du rendement, et donc il fallait qu'il mange de la viande. Manger de la viande, c'est bon pour la santé. Oui, mais voilà, il ne faut pas abuser, car on s'habitue vite à la grande vie, l'alcool, le tabac et tout ce qui s'ensuit. Ce fut le cas de cette brave fillette, puis elle connut Mimile de la Villette, qui très brutal comme le sont ses bouchers, vite lui montra sa façon de l'aimer. La grande histoire des abattoirs de la Villette, c'était que les chevillards disaient qu'il ne fallait pas utiliser la congélation, enfin le réfrigérateur, parce que la qualité de leur viande était la fraîcheur de la viande. Ils n'abattaient pas plus d'animaux qu'il y avait de clients derrière qui achetaient. Ils auraient pu abattre plus et mettre au frigo pour ensuite les vendre plus tard. Mais non, eux, ils estimaient, c'était leur grande lutte, hein, de ne pas mettre les carcasses au frigorifique, parce que eux estimaient que la viande, la bonne viande, était de la viande fraîche. Fraîcheur. Vent très faible, qui vient avant ou après le calme. C'est la nuit, et à notre tour, nous attendons l'arrivée de la marée. Cette fois, pas de table royale à fournir en poisson, mais des milliers d'abonnés qui redécouvrent le goût de l'ultra frais, encore gorgé de vie, dans un circuit court et direct avec les pêcheurs indépendants des côtes françaises. Nous sommes chez Poiscaille, la version marine des paniers de légumes. Ça, c'est pour les chaussures. Je veux dire deuxième pied. Ah, il te manque un pied. Oh. Ah oui, attends, voilà. On ne peut pas qu'on mélange. Ouais, rouge là, la main. Vous êtes rouge, ouais. Charlotte. Alors, je passe mes mains dans la machine. Là, c'est froid. Donc, on a enfilé nos surchaussures, on a mis nos charlottes rouges sur les cheveux, des blouses blanches, estampillées Poiscaille. On s'est lavé les mains et maintenant on est entré dans la zone de déchargement des poissons. Il y a une bonne odeur citronnée dans l'air. Et là on entre dans la zone frigorifique de Poiscaille. Charles Guériec, vous êtes le fondateur de Poiscaille. Pour vous alors, qu'est-ce que c'est que le frais authentique ? C'est le temps entre la pêche à bord du bateau et la récupération par le consommateur. Ce poisson-là, il va être donc pêché le dimanche matin, sorti de l'eau entre 7h et 15h. À 15h, il est débarqué au port, il est rangé dans des bacs, on met un film pour le protéger et après il est glacé. Derrière, il est mis dans une chambre froide et il va attendre jusqu'au lendemain matin, entre 6h et 10h selon les ports. Et dans tous les ports de pêche en France, il y a des transporteurs frigorifiques qui passent quasiment tous les jours, du lundi au vendredi. Donc là, ce qu'on va récupérer, par exemple, ce soir, ce sera livré demain matin, entre 11h et 14h du matin, c'est fin de matinée en Ile-de-France. Mais il y en a une grosse partie qui va partir en région avec Chronofresh, donc Chronopost en froid, et qui sera livré que mercredi. Donc c'est 72 heures maximum entre la pêche à bord du bateau, ou la sortie de l'eau des coquillages, et la remise au consommateur. Et nous, on est une des seules boîtes dans la filière à s'engager à 100% sur tous nos produits là-dessus. Et quand on regarde, y a pas mal de bateaux, notamment on parlait de ces bateaux hauturiers qui partent plusieurs jours en mer. Ils s'appellent hauturiers pour haute mer. Hein. Hauturiers, en fait, c'est plus de 15 mètres qui sort plus de 96 heures en mer d'affilée. Mais le rythme communément pratiqué par ces bateaux, donc en France et en Europe, c'est 5 à 15 jours. 5 à 15 jours en mer, au cours desquels ils conservent la pêche sous la glace. C'est frais, donc c'est pas congelé, mais c'est sous la glace et c'est sanitairement complètement acceptable. Mais c'est pas transmis aux consommateurs. Et donc, moi je suis pas d'accord avec cette espèce de truc du poisson frais qui aurait été pêché la nuit d'avant et qui vient d'arriver. Non, y a pas mal de poissons qui ont plusieurs jours quand ils arrivent à terre et ils arrivent quasiment à plusieurs semaines quand ils sont consommés. Sanitairement, c'est pas un problème, c'est-à-dire que c'est tout à fait consommable dans ces conditions-là. Le seul problème, c'est le goût. Quand on leur fait subir ce traitement-là, seuls les poissons les plus solides et souvent les plus réputés, voire les plus chers, donc la sole, le bar, le turbo, arrivent à rester encore consommables ou acceptables en termes de goût. alors qu'un poisson plus fragile, comme le mulet, le taco, le chinchard, ils ne tiennent pas une aussi longue conservation et en général, ils sont en très mauvais état. Donc c'est pour ça qu'on en fait souvent des filets ou des préparations pour la restauration collective. Donc en fait, ces poissons-là sont bien moins vendus, en partie à cause de leur fragilité. Là, Charles, et qu'est-ce qu'il est en train de préparer ? Là, on est en train de peser des vieilles. Donc voilà, voilà typiquement un poisson qui est considéré mal aimé ou pas aussi noble que les barres qu'on a vues. C'est vraiment les extrêmes. Hein. Ça, la vieille, dans pas mal de criées, c'est payé 1 euro, voire pas payé, voire acheté pour décorer l'étal et à la fin le jeter. Mais à la côte, on entend plein de bretons qui disent « Bah ouais, non, moi j'adore, je me la fais avec des patates au four, c'est hyper bon. » Et si on comparait la filière de circuits courts que vous avez créée avec Poiscaille et la façon dont la grande distribution promeut la pêche, quels sont les grands axes de différenciation ? Bah, la grande distribution vend 2/3 de produits importés dans ses rayons. Nous, on vend 100% de poissons français. Alors, on ne se revendique pas de pêche locale parce qu'effectivement, il y a du poisson qui part de Saint-Jean-de-Luz, qui passe à Paris et qui finit à Marseille. Quoi. Ça arrive. On se rassure en disant que c'est toujours plus court que le nord de la Norvège, Strasbourg. On a regardé les distances. Mais c'est vraiment l'offre qui est très différenciante. C'est-à-dire que les trois premiers produits consommés en France, enfin vendus en frais ou aux consommateurs, c'est saumon, cabillaud et crevette. Ça, c'est que des produits qui sont élevés pour saumon et crevette ou pêchés pour cabillaud à l'étranger. Essentiellement Norvège ou Chili pour le saumon et le cabillaud. Et les crevettes, donc c'est ce qu'on appelle aussi les gambas, bah, c'est toute la zone tropicale, quoi. Et puis après, je pense qu'il y a un sujet de transparence aussi, c'est-à-dire que nous, on va vous dire exactement quelle est la fraîcheur du produit. Pour les combis ajustés en coquillage, on est d'accord que vous faites d'abord tous les lots de poissons pour savoir exactement combien de lots de coquillage vous allez faire. Donc, t'attends qu'on ait fait toutes ces sols et après, vous faites les lots de coquilles. Nacera, je pense qu'on va mettre en stand-by et on va passer sur un autre poisson. Cette nuit, on va voir ça, c'est-à-dire qu'il y a un camion qui ne transporte quasiment que du poiscaille. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à une taille suffisamment grosse où on peut avoir, comme ce soir, plusieurs tonnes de marchandises qui arrivent dans un camion, ce qui nous permet, nous, de démarrer tôt. Donc on va démarrer là, dès qu'il arrive, pour pouvoir terminer dans les temps, pour pouvoir livrer à partir de demain matin le poisson et qu'il ne perde pas une journée à rester ici. On vient de nous annoncer que le camion arrive. Ah, ben voilà. On va aller dehors. Fraîcheur. Qualité de ce qui n'a pas subi d'altération, de ce qui n'est pas gâté, fané, flétri, desséché. Vos protestations ne changent rien aux constatations scientifiques. C'est un fait. La terre se réchauffe. Et dans ce monde trop chaud, le poisson lui-même étouffe. Il est tout de même invraisemblable qu'on ne puisse pas déguster un poisson frais. Mais qu'est-ce que tu attends pour m'acheter un vrai frigidaire ? Mon frigo, mon frigidaire, printemps, été, automne, hiver, il conserve mon chorizo bien au chaud. Il me redonne goût à la vie, une petite lumière dans la nuit, c'est mon frangin, mon poteau, mon frigo. Ce froid industriel qui ensuite s'est installé dans les domiciles. Le géographe Gilles Fumet a travaillé sur les pratiques alimentaires du froid et réfléchi sur les conséquences ultimes de l'ultra-conservation en surgelé, où le produit consommé devient un ultra-sec. Ce froid a justement permis d'avoir chez soi des produits désaisonnalisés. C'est que la grande distribution, en quelque sorte, elle a pu offrir des produits que l'on a mis dans le frigo, qui étaient tributaires du saison. Donc il y a eu ce circuit-là qui s'est développé avec la surgélation, dont la terminaison de micro-ondes a permis en quelque sorte de passer du produit de base qui est le végétal classique au plat surgelé. La surgélation, c'est au domicile, c'est vers 1975-80, avec les chaînes qui vont avec, hein, les entreprises spécialisées là-dedans, des congélateurs dans les grandes surfaces, ce qui a commencé par concerner surtout les poissons, parce que c'était des produits assez difficiles à conserver, et plus tard, qui a boosté l'industrie agroalimentaire, qui s'est lancée dans la préparation des plats cuisinés qu'on peut acheter surgelés. Et du coup, ça a complètement laissé analyser les plats. On voit par exemple des aberrations comme les sushis, le maki, là, qui sont des produits normalement frais, qui sont élaborés devant vous et qui sont vendus maintenant sous forme surgelée. Donc là, on est clairement dans une technologie avec ces différents outils que le congélateur et le micro-ondes qui ont complètement déterritorialisé l'alimentation. Et tout cela repose sur la capacité à garantir la chaîne du froid. La chaîne du froid, mais surtout avec maintenant quelque chose qui pose vraiment de problème, l'énergie dont on a besoin. Voilà. Et donc là, on est dans une vraie question qui est de se dire quel va être l'avenir de cette chaîne du froid, sachant qu'elle est très énergivore. Et donc je pense que le froid sera réservé aux produits premium, on va dire, les plus chers. Et puis tout ce qui est produit de masse sera conservé de manière déstructurée sous forme sèche. On a un très bel exemple d'alimentation qui a été contrainte, celle des cosmonautes avec les pilules. Et on a dit, début des années 70, on va se nourrir avec des pilules. Et puis on a dit, mais c'est pas vrai. Sauf que quand même, regardez dans les supérettes, vous prenez des compléments alimentaires. Ce sont des pilules. Vous en avez des milliers aujourd'hui. Et donc vous avez des gens qui se nourrissent un peu n'importe comment, mais qui disent, ah mais j'ai besoin d'oméga 3, donc je prends une pilule d'oméga 3. Donc on est dans une alimentation nutritionnelle qui va s'amplifier. C'est quelque chose qui est possible. Merci à Reynald Abad, Gilles Fumet, Charles Guiriec, Elisabeth Philippe et Ada Akovitsioti-Amo. Fraîcheur. Extrait du film Vatel de Roland Joffé avec Gérard Depardieu. Nom féminin. Lecture de la lettre de Madame de Sévigné par Fabienne Lomonier. Et du ventre de Paris d'Émile Zola par Thierry Beauchamp. Fraîcheur. Documentation Véronique Le Faller. État de ce qui est légèrement froid. Prise de son Raymond Albouy, Élise Leu, Arthur Gerbeau, Johanna Gabric et Loïc Duros. Contraire, tiédeur. Mixage, Éric Villenfin. Littéraire. Attaché de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Qualité de ce qui est spontané, pur et jeune. Coordination, Perrine Kervran. Exemple, la fraîcheur des sentiments. Merci à Clara et Anaïs pour leur participation. Synonyme, candeur, ingénuité, innocence, naïveté. C'était Ravitailler la ville, hier et demain, deuxième épisode, conserver le frais dans tous ses états. Fraîcheur, non féminin. Un documentaire d'Élise Gruot et Agnès Catou. Le procès du meurtrier Patrick Henry s'ouvre le 18 janvier 1977. Ses avocats, Maître Boquillon et Badinter, vont tout faire pour lui éviter la guillotine. Retrouvez la reconstitution exceptionnelle d'un procès qui a marqué l'histoire du droit et de la justice française. Mais ce n'est pas le procès de la peine de mort, c'est le procès de Patrick Henry. Avocat emblématique, Robert Badinter sait qu'il tient là une occasion décisive pour rendre caduque la peine de mort. Le procès Patrick Henry, une série de 5 podcasts de Basile Ader. Patrick Henry, levez-vous. Réalisé par Cédric Ossir sur franceculture.fr et l'appli Radio France.